Bah sinon comment je fais après? Tu prends notre pain, on ne peut pas prendre toute la misère du monde comme disait Michel Rocard. Donc il faut arrêter de dire que les gens profitent des APL, qu'ils font n'importe quoi avec ça, etc. Je vous le dis franchement, je peux pas vous mentir. J'entends trop de Français dire ils vont voler mon travail. Même dans les manifs de gilets jaunes, j'entends ce genre de bail. J'entends trop souvent dire ouais les étrangers, qu'est-ce qu'ils font là? Je vois trop souvent des fachos leur dire rentre chez toi. Mais toi t'as le confort, les tout derniers objets connectés. Certains n'ont même pas l'eau potable et toi dedans tu vas chier. Dis-toi bien que les colons occidentaux ont tout pillé. Les gens d'ici se plaignent tout le temps mais ne comprennent pas. Regarde l'histoire, c'est un gros fou toi. Est-ce que t'as compris Tintin au pays de l'or noir? Tu sais ta moto, c'est comme ta vago. Elle tourne avec le pétrole de l'Irak et du Congo. Critique les Chinois, critique les Renois. C'est leurs enfants qu'on envoie se tuer au travail pour toi. Tu sais les migrants, pour les aider gros, ne les laisse pas couler. Tu sais qu'on est tous dans le même bateau.